Johnny, c'est pas ta journée. Johnny, c'est pas ton été. Johnny, c'est pas ton année. Johnny, vas-tu t'en sortir? Oh! Aujourd'hui, le lundi, eh ben oui, le lundi du mois d'août, le 22 août. Wow, wow, wow, wow, wow! Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kéké! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Johnny, ce soir, on va s'évader avec quelques mélopées en direction d'un endroit qui mérite le détour. Et j'ai nommé Johnny. Non, c'est pas, on s'en va pas chez Johnny, on s'en va avec toi là-bas à Jonquière. Viens-t'en, on ira pas vite. On est sur un scooter électrique. Sous comme une botte, assis au bac, pas loin de la porte. Je regarde danser les Black Label sur une vieille toune d'été, mais chose. Curieux, j'y pense à justement même pas. Comme une grotte, chaud comme un spot dans mes culottes. Quittez le stage où je m'en vais jouer, j'ai une demi-heure pour me dégriser. Curieux, j'y pense à justement même plus. Charmants étudiants pleins de peine, m'ont invité à leur cégep pour aller jouer de la belle musique, zizik, pour faire mon grand alcoolique. Comme une lotte, une lotte qui se frotte sur un corps de porte, qui flush à droite, qui flush à gauche. Je me pitch sur le stage avec mon roach. Curieux, j'y pense à plus pas d'autre. J'suis bien content d'être venu vous voir. Salut Jonquière! Merci bien pour la grosse bière. Ouais. J'ai eu ben du fun à Jonquière. pas une chanson de ce groupe-là, là. C'est Michel Latraverse. De son véritable nom, Plume Latraverse, auteur, compositeur, interprète de Québec, la province. Je pense qu'il est né à Montréal. Plume Raymond, mon dictionnaire ambulant, ma belle colonne vertébrale. Merci. Oui. J'aime ça. Moi, je fais mon émission. On est trois. En fait, il y a moi dans le genre de bocal. Quand là, c'est pas un bocal, c'est quoi? Non, c'est pas. Non. C'est une soupe au chou. Ah oui, ça lâche des vents. Moi, non, c'est. On dit quoi dans un. Dans une prison, pas vraiment une prison, là. Voyons donc. On coupe-tu puis on recommence? Non, on fait jamais ça, c'est du direct. En tout cas, de l'autre côté de la vitrine, il y a moi. Et eux sont. Ben. De l'autre côté. Pas du miroir, mais de la vitrine. Donc, nous sommes trois. Je suis le seul à avoir des écouteurs. Fait qu'elle n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. Et puis j'ai dit Plume Latraverse, OK? Plume Latraverse. Où est-il né? Oui, elle rigole. C'est sa belle-sœur, lui. Ah, mon Dieu, on recommence pas. Non. Parce que ce gars-là est un chanteur, guitariste aussi. Oh, on a oublié guitariste. Écrivain québécois. Et qui est né à Montréal. Bon, juste à Montréal. Voyons donc, tu vois, il est bien plate, Plume Latraverse. Moi, je serais né, je sais pas, à quel endroit, donc? Vous savez, quand on va à Montréal, là, on recommence. Ah oui, c'était une chanson de Plume Latraverse à CKRL, le 89.1 à Québec. On dirait que c'est pas la même émission que d'habitude. Il fait jamais ça, lui. Non, mais d'où vient Plume? Ben, il vient de l'oiseau. Seul oiseau s'est envolé, moi jamais je ne le trouverai. Pourquoi je ne trouverai jamais l'oiseau? Parce qu'il descend. Ben oui, il s'est envolé, le bel oiseau que j'ai rencontré. Si jamais tu le revois. Mais pour la liaison, revouez. Tu le revouez, ramène-moi-le. J'ai des choses à lui dire. Parce que c'est un pigeon voyageur, le bel oiseau que j'ai tant aimé. Non, c'est aimé. Ah, que j'ai tant aimé. Tant aimé. La liaison, madame, elle est fortuite. Elle n'est pas gratuite, hein? C'est 53,28 $. Plus les douanes. Parce que comme c'est un oiseau transporteur de mauvaises nouvelles ou de bonnes nouvelles, ben oui, ça existe encore, les faucons? On en connaît-tu pas des faucons? Oui, des faucons, oui, mais des cons tout seuls, oui. Des faucons également. Puis ils n'ont pas juste des ailes. Mais les miens, j'en connais pas avec des ailes. Ils ont deux jambes qui souvent... Ces jambes-là, ils les prennent à leur cou. Puis ils les greffent. Puis ils courent. Puis non, ils courent jamais avec leurs jambes. Ils courent avec leur cou. Là, le reste du corps suit. Mais comme ils sont tellement rapides, parce qu'ils veulent se sauver du ridicule et se sauver aussi de ceux qui vont les interroger, ils s'en vont comme des poules pas de tête. Puis là, j'ai une admiration incroyable, incommensurable pour les poules pas de tête. Donc, je ne rirai pas de ces animaux-là qui, malheureusement, se font guillotiner. La garzouille. La garzouille, ça peut être aussi circoncision, mais moi, c'est le coup. Quoique nous, les gars, nous avons deux coups. Alors, du coup... on peut prendre un petit coup... En se faisant couper les deux coups. La comprends-tu? Non, on va la faire au ralenti, OK? Avez-vous compris? voulez-vous que je refasse ton ralenti? On le fait plus. Ah non, le ralenti, c'est bien beau, là. Mon cerveau là, est déjà très lent. On me l'a catalogué et puis quand l'analyse a été certifiée, la personne qui elle doit balancer ça régulièrement, c'est un peu comme un agent de police qui appelle, exemple, une personne qui, je sais pas, en fait, a porté plainte, exemple. Hein? Bon, porte plainte. Pourquoi? Pour vol. Pour vol. Là, ben lui, il est habitué d'appeler. Oui, allô? Inspecteur Raymond? Oui, allô? Oui, inspecteur Raymond? Oui, allô? Oui, inspecteur Raymond? Oui. Inspecteur Raymond? Oui. Vous me connaissez? Oui, inspecteur Raymond. Ah oui, on s'est déjà vu. Non. Comment vous savez mon nom? Ben, vous vous êtes nommé inspecteur Raymond. Et vous êtes une rapide. Merci beaucoup. Oui, vous m'appelez? Oui, je vous appelle. Aimez-vous ça, vous faire appeler? Oui, j'adore ça, me faire appeler, mais j'aimerais savoir pourquoi vous m'appelez. Ben, je vous appelle pour vous dire bonjour. Bonjour, ça va, monsieur l'inspecteur? Très bien, vous? Ah oui. Mais là, je cherche encore mon dentier, hein. Heureusement, j'ai eu celui de mon beau-frère. Mais lui, il a une grande bouche, hein. Il est plus connu sur la Grand Gueule de Québec. Tu sais, la Grand Gueule de Québec, c'est lui, là. Il y a la Grand Gueule. Puis il se la fait aller partout. Puis même, plus on la tapoche, plus il aime ça. Il doit être un bandeau malomiche, lui. Et puis, là, je sais pas comment ça, j'ai perdu ça dans tes... Ben... Welcome in a son of Clovius Rufus.

sincèrement. C'est parce que dans une certaine époque, monsieur, vous m'écoutez? Oui, c'est même enregistré. Ah, mon Dieu. J'aimerais dire bonjour à tous mes enfants. Ils sont éparpillés un peu partout. Hein. Il y en a un à Drummondville. Et, non, j'ai enregistré dans le sens de pour nous à l'interne, à la centrale de police. Ah, mon Dieu. Êtes-vous beaucoup de poulets? Pardon? Êtes-vous beaucoup de poulets? De poulets. Mais êtes-vous beaucoup d'argent? Mais là, on n'est pas des poulets. Ah, non. Savez-vous pourquoi on appelle ça des poulets, les policiers? Écoutez, madame, je vous appelle pour votre plainte. Oui, je peux en faire une autre si vous voulez. Non, non, on va laisser ça. On va calmer ça. Mais dites-moi donc votre vanne. Non, j'ai pas commandé de vanne de poulet, moi, là. Non, mais je vais vous dire ma blague. Oui, mais ça, on appelle ça une vanne. Oh non, moi, pas non, moi, une vanne. Là, ça, j'ai un 2,5, mais pas meublé, hein. J'ai pas voulu meubler ça, c'est tellement petit. Je me couche en deux cordes de porte, m'endors là-dessus. Je me réveille, je viens heureux. Tu sais, je m'étire un peu. Pas trop parce que j'arrive dans ma cuisine, hein? J'ai pas mis de poêle, pas mis de réfrigérateur. Est-ce que j'ai. Ah, j'ai mis une belle radio. Oh mon Dieu. Là, j'ai appelé mon professionnel de la radio. Rénald Gagné. Vous connaissez Rénald Gagné? Mais parlez-moi-en pas. Il a fait des. Il a fait quoi? Ah, il a fait plein de choses. Oui, j'ai eu peur, moi là. J'ai eu peur. Avez-vous son dossier? On a un dossier, des dossiers, parce qu'il fait de la radio. Hein? Ben oui, il fait errance. Il fait de l'errance, lui. Il fait de l'errance. Ben c'est pour ça, là. La police le suit constamment. Comment ça? Ben il fait de l'errance. Donc, il dit un peu. Ben, pas n'importe quoi, mais il dit des choses qu'il, des fois, ne devrait pas dire. Comment ça? Il est dans des secrets? Ah, des secrets. Écoutez, la FBI, là, je peux pas trop parler, moi non plus, là, mais on est enregistré. Mais oui, on va dire bonjour à Georgette qui est à Trois-Rivières. Non, enregistré dans le sens que c'est nous qui enregistrons pour nos dossiers. Puis des fois, tu sais, je peux oublier de prendre des notes. Ouais, oubliez-vous de prendre des notes? Ouais, ben, ça m'arrive. Et puis sinon, vous n'êtes pas le dactylo, vous? Ben, dactylo, c'est fini, ça. Dactylo, madame, ça c'est à l'ancienne. Mon arrière-grand-père, qui était un policier à Drummondville, lui, il était à dactylo constamment. Là. Puis il arrivait chez lui, il jouait du piano parce qu'il ne pouvait pas arrêter de pianoter. Sa femme est remplie de petits bleus. Elle était remplie de petits bleus, pas parce qu'il la battait, parce qu'il frappait la mesure, mais il frappait pas fort, tu sais, parce que sa femme, elle était chatouilleuse. Il n'est pas arrivé à faire une harmonie avec ça, tu sais. C'est une excité, c'est une malade, tu sais. Il y en a des. Il y a des hommes malades, il y a des femmes malades. C'est une malade. Puis là, c'est pas. Moi, j'aimerais avoir votre histoire là, de ce qui s'est passé. Errance rénaldienne! Non, si vous voulez. Mais lui, c'est un autre problème. Oui, mais les problèmes se chevauchent. Avez-vous déjà monté en cheval, vous? En cheval, en chevaux? En cheval. Un cheval fou? Non, moi, mais dans mon cas, c'est un cheval flou parce que je me suis fait aussi voler mes lunettes. Mais là, je voulais vous dire que mon dentier, et c'est là que je suis très ému, c'est mon mari, ainsi que Rénald Gagné, que vous connaissez, Rénald Gagné. Ben voyons donc, on vient d'en parler. Rénald Gagné, le dentier, vous l'avez appelé Rénald... Non, l'animateur d'errance rénaldienne. Ah oui, Rénald... Ben voyons donc, Rénald Gagné, on connaît Rénald Gagné, Rénald Gagné... OK. Ça va? Ouais, ça va. On dirait que je prends des... Je suis diabétique, troisième dame. Êtes-vous possédé des Ramones? Constamment. C'est des très bons... Les Ramones, là, très bons disques de A à Z, mais surtout le G. Quand tu écoutes le G, t'attrapes le point. Sur la gueule? Non, le point G, madame. Ah, mon, je vais m'attraper ça, moi. Ah, c'est à cause de mon dentier, moi, vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que... On lâche pas le bourreau, monsieur, là. Hey, tu sais, est-ce que vous guillotinez encore le monde, vous? Personnellement, non, là. Moi, je suis inspecteur. Ben oui, c'est ça, la police, là. Ouais, mais nous autres, on n'est pas la justice. Mais vous n'êtes pas la justice. Vous arrêtez les voleurs, puis les faux voleurs, puis les gens qui n'ont jamais rien fait. Puis là, vous les amenez en cour, puis là, ils sont jugés, puis ils vont en prison, puis ils n'ont même pas rien. Ils ont rien à se reprocher. Puis là, 35 ans après, ben là, vous dites, oh, on s'est trompé, puis là, vous donnez de l'argent, puis pendant ces 35 ans de leur vie, ils sont trouvés entre quatre murs. Vous êtes épouvantables entre les barreaux. Moi, je trouve ça inconcevable. Comment vous continuez à faire un métier aussi incroyable, mon cher monsieur? J'avais pas vu ça de même. Ben, continuez à voir ça autrement. Ça fait que là, moi, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, mon dentier, mon dentier. doux Seigneur. Ça va? Ah oui, moi je décroche, c'est, ça m'aide. Vous décrochez le dentier. J'en ai plus de dentier, madame, monsieur. Vous êtes un monsieur? Oui, mais le samedi puis le dimanche, je suis un petit peu madame. Oh, vous êtes changement de bex? Non, mais en fait, on s'en va dans des petites soirées. Il faut bien oublier vous l'écoutez, Renald Gagné? Ben malheureusement, je dirais pas oui. Mais malheureusement, si je ne l'écoute pas, je ne suis pas normal pendant toute ma semaine. Vous attendiez à autre chose, hein? Voilà. Tu sais, quoi? Il y a eu un silence irrespectueux. Monsieur l'agent? Oui. Alors vous l'écoutez? Mais je l'écoute. Ben oui. Et puis vous? Ben moi, écoutez, là, c'est ma ligne de pensée. C'est mon introduction à l'existence. Sans lui, je ne sais pas si je serais une larve perdue dans l'océan, une gonzelle sans Washington. C'est Bretzel, Washington. C'est une Bretzel sans Washington. Oh, vous l'avez connu. Il est drôle. Hein? Il a fait bien, cette blague-là. Là, hein? Bretzel, Washington. L'avez-vous écouté, cette émission-là? Il a fait tout le temps. Il répète, là. Hein? Depuis quelque temps, il répète. Mais, oh non, il faut respecter les aînés. Hein? Ah oui, lui, il est aîné. Mais il était gêné au début, mais là, il est aîné. Il est aîné, mais il ne gêne pas de l'être. Puis il ne faut jamais être gêné d'être né. Parce qu'on on a vécu, puis dans cette vie-là, il y a un cheminement qui s'appelle l'aîné. Il y en a d'autres après, tu sais, puis il y en avait avant. Puis on est rendu là. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, lui, monsieur l'agent? Pas grand-chose, mais vous, à propos de votre dentier. Ah ben oui, c'est ça. Hey, à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps. On va passer une chanson, je sais, la garlotte me gratouille aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, au temps de la guignole et de la gorlette, on se foutait dedans de ma mimique. Non, c'est pas ça, c'est que... ça s'en vient bien, là. Ne vous en faites pas. Arrêtez de pleurer. Ah, à pleurer, chelle. Non, je parle... Excusez-moi, monsieur l'agent, c'est que ma voisine, on est venu, elle est venue jouer aux cartes avec moi. Mais là, c'est pas ça, là. Après ça, j'ai dit que moi, je fais du tarot, hein. Puis, elle voulait se faire tirer le tarot. Fait que là, je suis en train d'y tirer, mais elle ramasse. Fait que, mais elle m'écoute un peu, elle débride, mais elle vous entend pas. Heureusement qu'elle nous entend pas, parce que c'est un discours, c'est une rencontre, là, très privée. Ben oui, j'espère que c'est privé. Là. C'est pas public? Pour le moment, non. Mais qu'est-ce qui se passe avec votre dentier? Ouais, c'est ça. Je me suis fait voler mon dentier. Mais moi, j'ai une grosse crainte. Une grosse crainte. Parce qu'à une certaine époque, c'est là qu'on est rendu. Puis on va continuer, faites-vous-en pas. On plaçait des dents en or. Oh, c'est ça! Non, mais ça c'est public. Hein? On plaçait des dents en or. Et moi, j'en ai eu deux. Peut-être même deux. L'histoire dit deux et demi. Mais parce que la moitié a été recouvert par de l'émail. Il faudrait passer ça au scanner. Vous avez ça des scanners, vous, là, pour la dodaille et tout ça, puis la bisette voluptée. C'est actuellement, là, c'est la grosse mode, hein? Les gens se promènent avec la bisette voluptée. Puis là, dans le scanner, vous passez ça, c'est dans un sac en plastique, hein? Puis là, ils se mettent ça sur la tête. Puis là, ils disent que les cheveux poussent, mais c'est pas des vrais cheveux. Puis là, ils s'arrachent ça, puis ils mangent ça, puis c'est une genre de drogue, ça, monsieur. C'est une drogue, hein? Puis là, la drogue est de plus en plus présente dans le monde, là. Oui, vous allez reconnaître ça. Mais je connais ça, puis à travers tous les documentaires que j'écoute. Mais le bingo, là, actuellement, là, quand j'écoute ça, tous les petits jeunes qui appellent, là, pour nous casser notre fun, puis briser notre carte... Pour rien, juste pour parler à madame, elle dit, j'ai pas passé à la télévision. Hey, toi, là, lâche la télévision, sinon, m'en aller te chercher. Puis là, j'ai peur que vous arriviez, puis vous m'arrêtiez, puis vous mettiez, puis là, c'est bon, hein, on sait ce qui peut arriver, là, la guillotine existe encore. Ce que je sache, non. Mais vous êtes policier? Oui, mais ça change tellement vite. Ah, mon dieu! Sauf. Sauf en Abitibi. Ok, vas-y. Moi, je viens de l'Abitibi, je viens de l'Abitibi, je viens d'un pays qui est un arbre fort. Je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Comme un œuf, 13 février 1939, je suis né à Val-d'Or en Abitibi, dans ce pays qui est encore tout neuf. J'avais reconnu Ernest Turcotte qui vivait en de beaux boirons, qui parle aux arbres et aux dons, qui chaque matin chausse à ses bottes pour aller comme Tidjo et Bal, faire la forêt avec ses nerfs. Qui avait pas de chainsaw, qui avait assez pas que ça, puis des bras durs comme de la roche, puis des cuisses comme des troncs d'ombre, puis du front tout le tour de la tête, et qui n'était pas si belle. En 1910, en Abitibi, dans mon pays, l'Abitibi, moi j'viens de pays qui est de lac Béron, moi j'viens de pays où est-ce que le poisson mord. Quand j'étais au petit, j'allions jouer au bois avec les épinettes pis les bouleaux, j'aimions gazouiller avec les oiseaux. Quand j'étais au petit, je suivions le ruisseau. Je jouais de la ricana sur la rivière harmonica, je regarde l'on passer les gros champs sur ma petite scène qui venait en or. Dans un banc de neige creuse de maison, dans la glace j'écrivais ton nom. Et l'hiver à l'aréna, on patinait tout en temps. L'été près du lac loin, on faisait semblant de rien. On ramassa des balois, qu'on vendait presque rien. En 1900, quelque en Abitibi, dans mon pays. Moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de pays qui ont un ventre en or. Moi je viens de pays où ce qui neige encore. Dans deux pays qu'on dit ont de la carte, mon oncle Edmond travaillait sur la terre, mais il creusait l'or dans sa propre mort. Mon oncle Edmond nous a mis sur la carte. Dans ce pays qui a grandi, il part à coup du premier temps. On y gagnait beaucoup d'argent. Y'a de l'or en bord qui dort ici. Y'a même des poignées de pain en or, en cuivre, en fer qui vont de l'autre bord. J'aimions jouer dans la fanfare pour épater tous les bétons. Quand j'allions au château Wind, boire et rire avec mes pièces, j'en faisions compte dans les as. Au petit matin, près de la ville de la nuit. Tout en Abitibi, dans mon pays. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh C'est ça que je me disais. C'est pas Raoul Duguay, Ben non, c'est d'interprétation. Mais en même temps, quand tu as fini ça, tu es aussi fatigué que Raoul Duguay. Qui interprétait cette chanson? Bonne question. C'est même pas mentionné. En fait, je peux vous dire que ceux qui ont fait ce disque-là, parce que c'est qu'on va entendre pendant toute l'émission, la première heure, la deuxième heure, ça c'est autre chose, là. Mais la première heure, c'est des gens qui se font appeler, puis ils répondent pas au téléphone, là, mais ils se font appeler, ring, Louis Paradis, Louise Paradis, Jean-Claude Charles, Daniel Ferland dit ferme. Ferland, ferme donc la porte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors là, on se demande, parce que là, si on revient avant la chanson, il y avait le policier, la dame qui avait perdu son dentier, qui avait fait appel aux forces constabulaires afin d'éclaircir ce mystère et surtout retrouver son dentier. Hey, si pas la. Non, Madame Tremblay, si la tension n'est pas palpeuse. Si le. Ouais, si tu palpes ça. Mais. Comment t'appelles ça? Comment ça, toi? La comédia dell'arte? Y a personne qui sort d'un placard, qui rentre d'un placard. Oh, mon mari, où est-il? Mais, tu n'as jamais vu ça, toi? Comment pas ça, là? La comédia dell'arte, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la tension. Puis elle est palpable. Ça s'arrête là. Parce que la dame a raccroché, le monsieur, l'agent aussi, parce qu'il voulait faire son enquête. Fait qu'il a engraissé son dossier. Tu sais, il en a écrit des affaires. Et avec la cassette, là, ça, ce qui va aider en cours quand ils vont retrouver le voleur, c'est la cassette. Ah oui, elle avait des choses à dire. Elle avait des crottes sur le cœur. Non, mais dans une vie, on en a-tu des crottes sur le cœur? Des fois, on les dit, des fois, on les dit pas. Mais ce qu'on dit pas, il y a une phrase qui s'en va avec ça, c'est « m'a l'amener dans ma tombe ».« M'a amené ça dans ma tombe ». Hein? Toutes les secrets jamais avoués. Pas parce que c'est quelque chose de si exceptionnel, mais il y a une expression qui dit « on se garde une petite gêne ». Il y en a qui devraient s'en garder une petite gêne. Mais autrement, pas ce genre de gêne-là. Mais c'est vrai que tout peut se dire. Mais il y a des affaires qu'on tait pour soi-même et qu'on amène avec nous vers la mort. C'est beau, hein? Attends un peu. Gertrude? On a perdu Gertrude. Elle n'était pas au téléphone, hein? Non, elle n'était même pas là. Comment ça, c'est un personnage inventé? Comment ça, je suis? Est-ce que... Non. On avait fait un appel à Londres. Parce qu'elle est gardienne. Est-ce que c'est gardienne de prison? Elle est gardienne de prison. Elle garde des prisonniers. Non, c'est agent de prison. C'est une agente de prison. Une agente? Hein, monsieur? Hein, une agente de prison. C'est une femme qui travaille dans une prison à garder les prisonniers. Là-dessus, ça va bien. Elle est à Londres. Et là, vous voyez, si vous connaissez votre chanson, vous voyez s'infiltrer le titre qui n'est pas chanté par elle, mais sans doute par Louise Paradis. Mais sinon, dans la vraie vie, c'est qui? C'est qui? Voyons donc, vous connaissez vos classiques? Louise la traverse. Ben voyons. Jamais? C'est une comédienne, Louise la traverse. Oui. Louise Paradis chante Louise la traverse. Hey! Swing la bêtise dans le fond de la voix de moi, voici Louise! Paradis, pas la traverse. Personne venait le voir. Chapeau. C'était pas Louise La Traverse, comme je voulais balancer au début de la chanson. C'est Louise Forestier, mais chantée par une autre Louise. Y en a-tu de la Louise dans le monde, hein? Hé, hey, monsieur, dites-vous comme ça, là. Je sais pas, là, dans ma tête, là, j'en connais tellement, mais celle qui nous l'a offert, c'est Louise Paradis. Puis, quand tu l'entends, Louise Forestier, excusez-moi de revenir sur elle, là, on fait pas une émission spéciale, quoique on devrait. Elle est toujours souriante, elle a un rire, il y a un terme que j'aime bien, un mot, communicateur. Il y a un album d'Erita Mitsuko aussi qui a communicateur, j'adore aussi le disque. Je pense que c'est le dernier avant la mort de Fred Chichin. Il faudrait que je fasse des recherches, là. En tout cas, peu importe. Peu importe, Louise, si tu m'aimes, je te rends hommage quelques secondes ce soir. Quelques minutes. Hein, pas une seconde, une minute. As-tu deux minutes? As-tu deux secondes? As-tu deux minutes à me consacrer? Louise, as-tu deux minutes? As-tu deux secondes? As-tu deux minutes à me consacrer? Louise Forestier, as-tu deux minutes? As-tu deux secondes? As-tu deux minutes à me consacrer? Louise Forestier, pour toi, j'aurai toute la vie à consacrer. Parce que c'est à un rire communicateur. Elle a une franchise, elle a une ouverture, elle est extraordinaire. Puis son vrai nom, non pas d'artiste, c'est Belle Humeur. Elle porte très bien son véritable nom, Louise Belle Humeur. Moi, j'aurais pris ça comme direction artistique. Là. Pourquoi avoir changé ton nom? Le prénom est Louise, ça tient le coup, ça c'est facile, c'est beau, c'est accrocheur. Mais Belle Humeur, puis quand tu rentres sur scène, puis t'es comme une étoile filante. Pas une étoile filante, même pas. L'arc-en-ciel. T'es l'arc-en-ciel du spectacle. Avec Robert Charlebois. Tu sais, quand je suis reparti sur le cavalier. C'est toi qui fais le show. Robert aussi, mais c'est. Lui, il est, disons, le circuit électrique. Et toi, t'es la lumière qui éclaire grâce à ce circuit électrique-là. C'est bien dit, monsieur le directeur d'école. Moi, j'ai terminé mon secondaire 3, mais tu sais, des années 60, c'était un secondaire 3 fort. Très fort, très fort. Mais moi, j'étais pas fort dans ma tête, mais j'étais fort dans mes bras. J'en ai-tu frappé des petits voisins qui m'ont dit, toi, tu iras pas loin dans vie. Tu iras pas loin dans vie. Ben, j'ai dit, ben, commencer à aller chez nous, ça va dire, non, pas loin, pas dans ce point-là, là. C'est pas loin, t'auras pas de vision, toi, tu vas rester comme t'es là. Comme je suis là, petit comme ça, ben, pas petit, petit dans la grandeur, mais petit dans la tête. Je serai pas petit dans la tête, je vais être parti dans la tête. Je vais partir de partout. Va devenir un imaginaire silencieux qui va s'éclater comme une. Vous savez, là, quand on fait des repas, puis on place ça dans une marmite, puis qu'on ferme ça parce que quand ça explose, à l'époque, ça explosait, et ben, de rien, là. Ça, tu les regardais, puis pouf, puis tu pouvais être blessé. Ah oui, oui, blessé au cœur, à l'esprit, et puis même blessé physiquement. Et donc, ils ont changé ça. Ils ont changé ça, mais là, ils ont mis des crampons beaucoup plus durs. Et donc, ça ne pètera jamais. Si oui, tu peux revenir contre le fabricant. Mais là, s'il te manque la langue, j'ai fermé la coquette minute. Et puis là, quand j'ai regardé si la sauce était prête. La sauce est cuite, hein, ça fonctionne pas, c'est les carottes, monsieur. Faut connaître les classiques. Là, je dégouline une petite micro, ça va-tu me donner des courts-circuits intégraux, intégrés, hein, oui, intègres? Je t'intègre, moi. Ah, mon Seigneur! Ah, oui, moi, je t'intègre au niveau financier. J'ai dit à ma femme, regarde toutes mes comptes, je donne rien à d'autres bonnes femmes que toi. Elle dit, je suis pas une bonne femme. Depuis quand? T'es pas une mauvaise femme. Ah, là-dessus, c'est vrai, je suis une bonne femme. Non, t'es une mauvaise femme, c'est toi qui viens de me le dire. Je vais te retirer Je vais te retirer de mes biens de quand je vais faire mon acte de contrition là, non, devant le juge. Là. C'est pas ça, hein? Quand, en tout cas, ouais, vous avez raison. Avant de mourir, même c'est mieux de le faire avant. Bien avant. Bien avant. Sans rien changer. Même si, ouais, la vie change. Ouais, c'est bien. Mais en tout cas, tu sais, quand tu dis, là, je vais remettre à, bon. Et puis, c'est comment t'appelles ça, madame? Madame? Qu'est-ce que vous faites, madame? Vous écoutez? Vous me le dites? Criez-moi ça dans le micro, là. Ah, vous avez pas le... Mais vous avez des écouteurs, hein? La radio. Criez-moi ça dans la radio. Ça va me revenir. Plus vous criez, plus je vais l'entendre. Comment vous dites ça? T'entends pas. Mando, y'a-tu du monde ici? Y'a-tu du monde ici? Y'a-tu... Oui! Ben oui, quand, si tu le fais pas, quand tu meurs, c'est quoi? C'est des... Oui, c'est des malchances. Ben oui, c'est des malchances. J'espère que c'est des malchances là, pour l'autre. Et puis, sur ben, toi, ça ne dérange pas, tu n'es plus là. Quand tu meurs, ouais, je le disais souvent, mais non, elle va réagir, elle-là. Là. Tu m'écoutes? Oui. La vie de décès? Non, ben, la vie, on n'est pas loin. La vie de décès. On dit, regardez le curriculum vitae. Non, je pense qu'après la mort, le curriculum vitae, là, il veut plus travailler. Là. Il est mort au travail. Là. Curriculum vitae, qu'est-ce que tu veux? On va te mettre dans le testament! Testament! Puis en plus, c'est un blasphème, testament. Je pense que Duplessis disait ça souvent. Testament! C'est lui qui disait ça, le testament. On ne sait plus. On est perdu. On est comme l'oiseau. Ah oui, on vit de d'eau et d'eau fraîche. On l'a fait, ça, là. Mais, oh, c'est ça, testament. Et puis, tu peux me coucher sur le testament. Endors-toi avec ça. M'a refermé le livre, parce que c'est... Moi c'est... je me suis procuré tout simplement à 1,50$ un beau cahier, mais rigide. Tu sais, la jaquette est rigide. C'est comme à l'hôpital. Quand tu prends ta jaquette, là, et je sais pas avec quoi il lave ça, hein? C'est raide. Si t'as déjà des cicatrices, ça va saigner, hein? Ça saigne, puis tu te demandes pourquoi tu vas à l'hôpital. Tu te blesses en allant à l'hôpital. Tu te rends malade en rentrant à l'hôpital parce qu'il y a des maladies, il y a des... Hein, c'est des virus qui sont partout, là. Tu rentres là, t'as pas l'hépatite. Tu sors de là, t'es épaté d'avoir des hépatites. Ah, mon Dieu, je suis plus morte que jamais, hein? Je vais faire des spectacles, hein? Gina, Lilo Brigida, aussi malade qu'elle est rentrée, aussi folle qu'elle est sortie. Mais ça se verra jamais, ça. Oh non. C'est juste dans l'imaginaire collectif. Puis heureusement que ça reste collectif. Parce qu'entre nous, on peut se rendre fou. Maintenant, je vous propose mon ami Marc Havet. Il est, comme disait Aznavour, formidable. Alors, voici cette belle rencontre que j'ai eue et qui fait partie de notre amitié, puisque je l'ai rencontré aussi lorsqu'il donnait un spectacle dans son théâtre exceptionnel. Donc, voici cet ami formidable, Marc Havet, à toi l'artiste. C'est pas une raison, parce qu'on est malheureux, pour foutre le boxon dans les bus de banlieue. C'est facile et c'est lâche, abject et dégueulasse, d'aller prendre en otage la pauvre populace. Laisse la haine, OFN, laisse la haine, c'est ta chaîne, c'est ta chaîne. Si tu veux décharger ton agressivité, y'a les moyens de pouvoir l'exprimer. Mais c'est pas une raison, parce qu'on est malheureux, pour foutre le boxon dans les bus de banlieue. Positive, ta hantise, sois plus nette dans ta tête. Du respect, s'il te plaît, du respect, s'il te plaît. Je connais des moyens d'apaiser ton tourment. Simple et vraiment marrant. Mais c'est pas une raison, parce qu'on est malheureux, pour foutre le boxon dans les bus de banlieue. Tu ferais mieux d'aller zoner chez les branchés, dans quelques quartiers chics ou dans quelques soirées, en train de se goinfrer quelques privilégiés, à 3 millions par an sans les indemnités. S'inquiète pour demain et comment ils feront quand ils ne vont plus toucher les allocations. On pourrait faire subir à tous ces impudiques un bizutage utile et le salut public. À ceux qui adorent les tags, on ferait des moustaches et tous les intellos trouveraient ça très beau. On couvrirait de leur déchets les industriels mafieux et tous ces larbins tristes à genoux devant eux, les notables complices aussi terrorisés. Premier pis, ça valerait l'heure d'entier. Mais c'est pas une raison, parce qu'on est malheureux, pour foutre le boxon dans les bus de banlieue. Allez mettre des boules puantes chez tous ces décideurs à l'humeur arrogante, ou dans quelques colloques, un soir commune fête, on irait faire un tour pour se payer leur tête. Juste entre deux pour se remettre en bouche, on reprendrait gaiement le caviar à la louche. On verrait débarquer sans y être invité les affamés du monde entier. Mais c'est pas une raison, parce qu'on est malheureux, pour foutre le boxon dans les bus de banlieue. Ils iraient dans les banques pour y retirer le pognon qui leur manque et qu'on leur a pitché. 3, 2, 1, c'est la fin. Des 4, 5, 6 se comptent en Suisse. On mettra les marchands au bout de leur canon et comme de gros pétards en l'air nous les lancerons. Tous les sans-voix se mettront à chanter et les keufs avec nous viendront les embrasser. Qui que tu sois mon frère, noir, blanc, jaune, rouge ou vert, pour fêter l'an 2000, viens faire un tour en ville. Ce vieux monde est KO. 4, 3, 2, 1, 0. Mais c'est pas une raison, parce qu'on est malheureux, pour foutre le boxon dans les bus de banlieue. Non, c'est pas une raison, parce qu'on est malheureux, pour foutre le boxon dans les bus de banlieue. Hein, salut camarade. Salut Marc. Attends, je dégage un peu. Je suis désolé de boire non, du coq. Non, y'a pas de problème. Pas de problème. Pas de chinon, je bois du coq. Ah, mais sympathie, hein. Mais sympathie encore. Bah, on s'y fait, ça va, écoute. Coup d'amis, hein. Elle continue, ça continue quoi, elle continue. Elle est toujours là. Ouais. Mais c'est pas facile. Oh, mais il y a des moments, oui, des petits moments difficiles. Enfin, j'aime bien être tout seul aussi. Pas tout le temps. Tu sais, les amis, ils disent, on va s'étourdir, on va tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Non. Est-ce que la création t'a aidé un peu? Ben, disons, création, pas beaucoup, parce que la chanson, oui. Ouais, l'écriture, l'interprétation, oui. Ouais. Ouais, l'écriture, moins. Ah, t'écris moins, là? Ben, depuis, ça fait 4 mois, hein, c'est pas vieux, 4 mois et demi. Même pas 5 mois. Hein. Je note, c'est comme disait Brassens, c'est toujours je note, des petites phrases, des trucs, par exemple, là, j'ai défense de pisser dans mon piano. Ouais, c'est ça. Après, je vais développer. Ouais, okay. Mais ça promet? Oui, mais voilà, mais je le fais pas, je finalise pas. Je pars en Touraine au mois d'août avec ma fille et ma petite fille avec la famille. En vacances? Ouais, en vacances dans une maison en Touraine, c'était le pays de Martine. Mais ma foi, là j'aurai du temps. C'est pas que je sois débordé, parce que maintenant je suis retraité quand même. Enfin, retraité de l'architecture. Ouais, ouais. Déjà un moment, j'avais 3 ans, 3-4 ans. Je ne fais plus que de la musique. Mais disons que la musique, il y a eu des périodes où j'en faisais beaucoup. Là, je n'ai pas beaucoup prospecté. Puis alors, il y a eu ce virus, à la con ce virus. Les mecs ont dit, ah ben non, on ne fait pas les concerts, on annule les concerts. Mais maintenant, quand je téléphone, qu'on demande à des gens, Ils disent, ah oui, mais maintenant je fais passer ceux que j'aurais dû faire passer l'an dernier. Au lieu d'annuler, ils ont reporté. Ils ont reporté. Ouais. Donc moi, c'est j'en... Aussi, hein. Ben oui, c'est ça. Moi, j'en ai fait un ou deux, là. J'ai fait un traînet. J'ai chanté tout seul, tout seul mon traînet pendant une heure et demie. Ah, comment ça va? Excellent, merci. T'es connu ici, toi. Oui, surtout au Chinon, oui. Mais, donc, traîner, pourquoi tu as voulu te ressourcer à traîner? Alors, j'adore, je chante traîner depuis longtemps. Oui, c'est les racines de la... Quand je chante pas mes chansons, je chante du traîner. J'essaie de... Brassens, pas trop. Parce que toujours, tu sais, les mecs... L'année dernière, c'était le centenaire. Tout le monde... Ils m'ont gonflé, tout le monde voulait chanter traîner. Brassens et mal, je vais dire. Alors que je ne veux pas être prétentieux, mais traîner, de toute façon, il y a peu de gens qui l'interprètent. En France, partout, il n'y a pas beaucoup d'interprètes. As-tu écouté la version d'Igelin? Oui, bien évidemment, mais il est mort depuis longtemps. Non, mais comment tu as trouvé l'interprétation alors, d'Igelin? Il y avait des trucs qui étaient très sympas, mais pas tout. Je pense que il voulait des fois, à mon opinion, hein, il voulait des fois un peu trop modifier, tu vois. Il voulait faire du Igelin avec du... Voilà. Ouais. Alors on dit, oui, il ne faut pas imiter. Moi, je suis d'accord, ça, j'aime pas les chanteurs imitateurs qui débarquent. Là, tu as un mec qui s'appelle Lebon, d'ailleurs. C'est un ancien petit ami de traîner. Alors Lebon, il arrive, il est pas bon. Hein. Il arrive et il fait, il y a de la joie. Alors ça, vraiment, ça c'est mauvais. Mais il y a quelqu'un qui disait, imitation égale limitation. Oui, bah, exactement, je suis d'accord avec toi. Mais aussi, ça peut être trahison quand on, sous prétexte de ne pas imiter, je veux dire, il y a des chanteurs, mais il y a pire qu'Igelin. Hein. Igelin, il avait l'énergie, le plaisir, le... La cour de l'école, cache-cache qui s'y colle, quand j'y pense encore aujourd'hui. Là, je me rappelle les jeux de marelle, le paradis, l'enfer, et aussi le ciel et la terre, on jouait à la guerre, à se tuer pour de rire, et là, ce qu'il fallait faire pour que la magie opère, je me souviens, on disait comme ça. Abracadabra, relève-toi vite, t'es mort, mais ça compte pas. Abracadabra, tu ressuscites, on dirait comme ça. Abracadabra, que t'es une princesse, moi je suis le roi, et qu'on s'en va. Abracadabra, en fusée express, direction Vega. Abracadabra, grâce à ce sésame, j'ai grandi comme ça. Abracadabra, à moi toutes les femmes, à moi les vivas. Abracadabra, rien ne me résiste, j'ai la baraka, je deviens comme ça. Abracadabra, député, ministre, et puis chef d'État. Ah, abracadabra, à moi les richesses, pour arriver là. Abracadabra, j'ai puisé dans la caisse, mais je me démonte pas. Abracadabra, le juge me convoque, abracadabra, je ne suis pas là. Abracadabra, vraiment je provoque, mais je ne m'en fais pas. Tiens, abracadabra, ainsi je m'explique devant les médias. Abracadabra, la formule magique, le tir d'embarras. Abracadabra, bien plus qu'ubuesque. Abracadabra, cette affaire-là. Abracadabra, abracadabrantesque, cette histoire-là. Abracadabra, élu, je m'accroche, et malgré tout ça. Abracadabra, je reste le moins moche des deux candidats. Abracadabra, du coup je ramasse. Abracadabra, nombre de voix. Abracadabra, un tour de passe-passe, et me revoilà. Abracadabra, j'apprends que j'échappe à un attentat. Abracadabra, je deviens comme le pape, personne à grata. Abracadabra, je soigne mon langage, je peux dire comme ça n'importe quoi. Abracadabra, mes promesses n'engagent que ceux qui les croient. Abracadabra, mon devenir me hante, et pour savoir ça, abracadabra, je consulte la voyante de tout le Gotha. Abracadabra, la fin qu'elle m'a prédite, abracadabra, ce futur-là, abracadabra, devinez la suite de cette histoire-là. Moi, tu sais, j'ai connu Igelin, j'ai connu quand il était très jeune, on allait à la vieille grille. Il avait commencé à chanter, Brigitte Fontaine aussi, avec Roger Mason et Steve Waring, enfin c'était voilà, toute la bande, etc. Alors c'était très sympa, tu vois, c'était un peu avant 68, tu vois, c'était en 66, 67. On était là, il y avait Coluche qui venait, Romain Bouteille qui était vraiment l'animateur. Et c'était vraiment sympa. Et on faisait des soirées au sous-sol. Ils se mettaient au piano, ils chantaient au Grand Café, vous êtes entré, une chanson de traîner. Et puis moi, je me foutais au piano, puis j'en chantais une autre. C'était une espèce de joute, comme je le sais. Joute en chanson. On se répondait comme ça. Bon, puis après, il a mis à faire du rock'n'roll, tout ça, c'est très différent. Donc on a un peu oublié traîner. Après, je l'ai un peu perdu de vue parce que c'est devenu très, très accaparé par le surf festival de Bourges, par tout ça, Collines et tout ça. Alors, voilà, une fois il était venu dans mon magique, là, une fois il était passé comme ça, mais assez rapidement. À quelle année Qu'il était passé? Oui. Oh, ben quand on l'a créé, quoi, c'est-à-dire vers 85 ou 83, là il était quand même déjà, ouais. Il était dans le rock'n'roll à fond. Moi, quand je l'ai connu, ben voilà. Avec Pagliaro, un Québécois, c'est lui qui a produit ses trois premiers albums rock'n'roll. Alors que moi, je l'avais connu vraiment. Ben, il chantait avec Brigitte Fontaine. C'était surréaliste. Ben oui, moi, je connaissais très bien les chansons. Je connaissais très bien Brigitte Fontaine, qui était pas aussi barjot. Elle était encore à peu près fréquentable. Et après, elle a quand même abusé de certains produits. Oui, encore aujourd'hui. Oui, c'est pas toujours évident. Qu'il soit un peu, j'emmerde, la bouche tordue. Un peu à la Gainsbourg. Oui, elle fait ça aussi, mais moins. Gainsbourg était moins inquiétant. Gainsbourg, c'était. Mon petit gars, mais c'était cool. Tandis que c'est presque inquiétant, tu vois. Ouais. Et la bouche tordue, et. Parce que Gainsbourg, il disait toujours, c'est l'alcool et la cigarette, mais les autres trucs, il n'y touchait pas trop. Il disait d'ailleurs. Il m'a même écrit une chanson, dire l'heure au dealer, de casser la gueule au dealer. Oui, je veux dire, il n'aimait pas beaucoup. En plus, c'est son dernier album studio. Oui, mais il aimait pas la coco et tout ça, il a pas touché. Comme chantait Frayel. Oui, voilà. Hey, on pourrait plus chanter cette chanson-là. Oui, elle est très jolie, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Tout le monde chantait ça. Ben oui, mais aujourd'hui, on ne pourrait plus. Non, mais je veux dire, elle chantait ça, oui, dans un cabaret. Oui. Oui, mais en 2022... Ah ben c'est pas possible, non, je prends de la coco. Enfin, on le chante. Mais c'est beau. À titre historique, peu, mais... Un peu comme une chanson paillarde. Tu sais, je t'ai déjà raconté que j'ai vu Frayel, moi. Avant Gainsbourg aussi. Oui, mais avant qu'elle meure. OK. Parce que, ben, j'étais... Moi, tu sais, je suis né fin 39. Donc, je suis un monument historique. Je me défends bien, hein. Oui. Et alors, le problème, il faut en parler, c'est toujours... Ça m'empêche pas de dormir, hein. Mais... Là, depuis, justement, Martine, je rebondis un peu, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a des tas de gens que je connais qui trouvent bizarre que je ne sois pas un peu plus en vitrine, quoi. Il y a quand même quelque chose. Alors, je me dis, c'est peut-être moi qui suis con. Ah, ça arrive, ça, con. Enfin, tu vois, je pense que j'ai raté des occasions, des fois, tu vois. J'ai rencontré Jean Ferrat, par exemple. Je lui avais chanté une chanson, j'ai trouvé ça formidable. Et puis, tu revenais à Frayel, tu as rencontré Frayel. Oui. Ah oui, alors Frayel, j'avais 10 ans, 10, 11 ans, hein, même pas. Ma mère m'emmenait au cinéma, dans les cinémas de quartier, tu sais. Et il y avait des attractions entre les actualités et le film. Donc ça, c'était en 1950 et quelques. Et elle était encore vivante, mais elle est morte peu de temps après. Hein. Je crois qu'elle est morte en 52 ou en 53. Et elle était grosse, énorme, complètement à HS. Cocharde, je crois qu'elle couchait à moitié sous les ponts, tu vois. À la fin de sa vie, elle couchait sous les ponts. Bah oui, avec un accordéoniste qui lui aussi couchait sous les ponts, enfin... Alors elle a... Ah bah non, elle est morte dans la misère totale. Et donc elle faisait... Mais pourquoi ? Ben parce que, tu sais pourquoi ? Parce que justement, bon, elle a eu sa période de gloire. À la suite, on sait pas, tu sais... Enfin, elle a tenté de se suicider, ça. Il y a Maurice Chevalier qui l'a laissé tomber pour Miss Tinguette. Bon, enfin, il n'y a pas que ça, ça c'est la petite histoire. Il y a sûrement d'autres choses. Ben d'abord, la coco, justement, tout ça. Ah, elle était vraiment dans la coco. Ben, elle s'y est mise. Au début, non, petite chanteuse. Et puis, un peu avant la guerre et tout ça, enfin, donc elle était dans un état, mais lamentable. Elle est partie à Constantinople, elle tenait un bar où elle se droguait sans doute à mort, tu vois. Et elle a commencé évidemment à grossir, parce que l'alcool plus les drogues. Et... Elle qui était une belle fille, tu sais, une bonne jeune fille, toute frêle. Frêle, oui. Et d'un seul coup, une horreur. Alors mes parents, j'entendais ça avec moi, mais on a été au cinéma, on savait, ma mère ne savait pas, elle la connaissait, mais qu'est-ce qu'on voit arriver sur scène à l'entrée, moi je ne savais pas qui c'était. Hein. Ok, parce qu'avant le film, il y avait quelqu'un qui pouvait chanter. Oui, c'est ça, il y avait des actualités. l'actualité. Oui, ouais, ça, oui, mais il y a aussi des gens qui pouvaient faire une prestation. Oui. Okay. Il y avait un intermède à l'entracte, et il y avait en général, des fois c'était un orchestre. Et tout. C'était combien de chansons à peu près, 15 minutes? Oh oui, 15 minutes, 4-5 chansons. Mais c'était, je me souviens d'elle, énorme. Toute la salle se marrait, et c'était effrayant. Hein. Et elle chantait justement par « C'est moi la môme, catch catch, voyez, biscotto, toro ». Elle chante. Non mais c'est triste de voir comment le public l'a accueilli. Elle était en fin de vie, elle était très malade. Bah, tu sais, ça arrive souvent, hein. Moi, moi maintenant, Renaud a un succès. Puis, Oui, mais t'as des mecs qui sont carrément oubliés. Regarde, t'as des chanteurs, aujourd'hui, on est surpris qu'on parle plus d'eux, alors qu'à un moment, c'était quand même une grande des stars. On n'est pas très sérieux quand on a 120 ans. C'est désespérant. Non, vraiment pas sérieux le soir sous les tilleuls de parler tout seul. Pas sérieux quand on n'a plus d'amis d'être encore en vie. Pas sérieux quand on a cet âge-là. On n'en revient pas. Âge ingrat que celui-là. Âge ingrat que cet âge-là. On n'est pas très sérieux quand on a 6 fois 20 ans de faire l'enfant. Ah non, vraiment pas sérieux après toutes ces années de n'en plus finir de jouer. Pas sérieux passer 40 000 jours de courir après l'amour. Pas sérieux quand on a cet âge-là, on ne pense qu'à ça. Âge ingrat que celui-là. Âge ingrat que cet âge-là. On n'est pas très sérieux quand on a 300 ans de courir après le temps. Non, vraiment pas sérieux quand on est millénaire de vouloir trop en faire. Pas sérieux à mille et des brouettes de pas prendre sa retraite. Pas sérieux d'attendre 100 000 ans pour dormir 100 ans. On n'est pas très sérieux quand on a l'âge de pierre de briser sa carrière. Non, vraiment pas sérieux quand on est du tertiaire de vouloir s'en extraire. Pas sérieux quand on est terre à terre de partir en croisière à travers l'univers dans les interstellaires. Pas sérieux quand on est que poussière à des années-lumière de s'envoyer en l'air. Moi j'ai beaucoup de copains comme ça, par exemple Yvan Dautin. Yvan Dautin c'était une vedette, c'était pas une grande vedette, mais enfin il passait à la télé chez Chancel tout le temps avec des artistes connus. On le reconnaissait, on disait c'est monsieur Yvan Dautin. Est-ce c'était qu'il était auteur-compositeur? Oui, oui, c'était pas toujours. Surtout auteur, il s'est fait faire des chansons par Jean-Claude Petit, par. Mais enfin, moi je le connais bien maintenant, mais maintenant il est retiré des. Comment il chante encore, mais. Il a eu une période entre 75 et 80, en même temps que les débuts de Souchon, les débuts de. Il était dans la même écurie, toi. Il avait Souchon, Higelin, un petit peu, pas encore. Surtout Souchon, Lavilliers, qui commençait un peu, mais qui n'était pas du tout connu. Hein, c'est pas. Il faisait partie de la jeune chanson française. Et Yvan Dautin, il était avec ces gens-là, tu vois. Avec Marie-Paul Bell, avec. C'était vraiment. Il arrivait, il chantait. Serge Lama aussi, on peut. Comment? Serge Lama. Oui, Serge Lama, il était un peu plus connu qu'Yvan Dautin. C'était pas une grande vedette, hein, Serge Lama, c'est pareil, ça a été toujours un. C'est des gens qui étaient des vedettes, mais pas des stars, quoi. Les stars, c'est autre chose. D'ailleurs, moi, je connaissais le pianiste de Charles Trenet, Roger Pouly, qui est toujours vivant. Et Roger Pouly, il disait. Il aimait bien ce que je faisais, parce qu'il venait chanter, jouer, accompagner des filles au Magique, des fois, ou dans d'autres cabarets. On s'est rencontrés. Et il me dit, Marc, tu sais, je te souhaite beaucoup de réussite, hein. Mais lui, il m'a dit, l'expérience que j'ai, lui, il avait accompagné Aznavour, Trenet, Jean-Roger Cossimon. Et justement, il me dit, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais tu vois, par exemple, très, je pense, il a pas dit trop sur traîner, enfin il a dit ben, un chanteur pour devenir vraiment une star, il faut être prêt à tuer père et mère, faire n'importe quoi, hein, et ça c'est vrai, quelque part je le sais. Alors il faut être intransigeant. Et il m'a dit, voilà, et il m'a dit, non mais il m'a dit, justement, je range Roger Simon, ça sera jamais une vedette, c'est un artiste qui est... Il est trop gentil, c'est ça? Trop gentil, oui, trop sensible. Bon, tout le monde ne peut pas. On s'en fout, ça, mais je veux dire, c'est vrai que moi, j'ai raté des occasions, des fois, par exemple, avec Jean Ferrat, Francis Lemarque, qui m'a bien aidé, Francis Lemarque. Je l'ai rencontré vers 1983-85, il m'a fait passer à la télé, hein, chez Chancel, chez... Dans Aujourd'hui, Madame, avec Pierre Cardinal, tout ça. As-tu déjà pensé à la chanson? Mais oui, mais il est mort, c'est pareil, ça j'y avais pensé, mais oui, bien sûr. Oui, t'as mais déjà pensé? Non, j'ai pas pensé, pareil, c'est bizarre, des fois ça jouait dans un mouchoir. Enfin, Francis Lemarque, il m'a vraiment aidé. Je suis passé à Bobino avec Marie-Paul Belle, Marie-Paul Belle, Yvan Dautin et Romain Didier. Romain Didier, on oui. était quatre. Ouais, c'était, ouais, c'était un D'accord. festival, mais lui, c'est pareil, il n'était pas encore très connu. Il n'était pas beaucoup connu, hein. ça devait être en 85, ou que toi. Moi, Didier, on en parlait, mais enfin, il avait un petit truc à la radio. Alors, Yvan Dautin, qui avait été vraiment une vedette, peut-être plus qu'Yvan Dautin. Romain Didier, ben, alors il a eu plusieurs problèmes. Ah oui, il a perdu sa femme. Ça, mais plus jeune que moi, hein, à 40 ans, il a perdu sa femme, bon, qui s'est suicidé en plus. Comme sur Lasbocca, sa femme a oui, été assassinée. Qui a été assassinée, oui, c'est ouais. horrible. Alors, lui, elle s'est suicidée. Dominique Lafin, elle s'appelait. C'était pas une chanteuse, c'était une actrice. Elle jouait dans le théâtre, le cinéma. Elle a eu un coup de blues, elle s'est suicidée. Mais elle a eu le temps de faire une fille. Et sa fille, c'est Clémentine Autain, la candidate insoumise qu'on voit partout. C'est la fille d'Yvan Dautin. Mais ce qui s'appelait Autain, en fait. Il a mis Dautin parce que ça sonne mal, Yvan Autain. Ça fait un peu prétentieux, Autain, non? Oui, enfin, elle, non. Clémentine Autain, c'est très sympa. Alors, et son père, Yvan Dautin, a été ministre de Mitterrand au début, ministre de la mer, parce qu'il était natif de Saint-Jean-de-Mont, ou à Pornic, Saint-Jean-de-Mont, tout ça, entre La Rochelle. Et il est un peu plus jeune que moi, il y a quelques années de moins, mais lui, il a vraiment été à un moment, bah, je te dis, il faisait l'Olympia, pas tout seul, des fois avec un autre artiste, mais enfin, vedette américaine, ou même quasi. Enfin, il était dans beaucoup de festivals et tout ça, alors que moi non, pas souvent. Ben, tu vois, je fais pas ce qu'il faut, mais je me plains pas. Je veux dire, j'existe, donc ouais. Je fais des chansons. Tu m'aimes me suivre, hein? Ah oui. Dis donc, merde, je t'ai pas amené. Tu l'as, mon bouquin? Oui, je te l'ai envoyé. Ben oui, autographié. Oh là là, oui. Non, mais j'ai des trous, tu sais, c'est normal. Non, mais je t'ai dit aussi que je t'avais même envoyé des brides que j'appréciais, parce que Oui, mais attends, ça voilà, me revient. Ouais. Non, mais tu m'en veux pas. Et je lis en ouverture d'émission beaucoup de... Ben, des extraits de ton livre. C'est bien, bravo, merci. J'ai pas écouté là, mais tu m'as renvoyé des liens. Ouais, oui, puis... Oui. Dernièrement, non. Ah non, mais ben là, dernièrement, non, mais là, notre actualité est là. Oui, j'avais écouté... Ah, mais pour le 800e, oui, je t'ai envoyé le lien. Oui, mais j'ai pas dû écouter, parce que c'est tombé à une très mauvaise... C'est pas grave. C'était quand? C'était la 800e, ça fait déjà une année, c'était pas avant la COVID. Deux ans. Si, j'ai dû écouter, alors. Ah oui, j'ai envoyé le lien, puis même je l'ai vu. J'ai écouté. Mais okay. C'est depuis, je pensais que tu avais refait un truc, peut-être. Non. Non, mais par contre... La COVID, après... Oui, c'est ça, mais par contre, j'ai présenté mes archives. Ah oui, tu as représenté les trucs. Oui. T'as bien fait. Et donc, souvent, en ouverture d'émission, je prends une bride de ton livre, et je suis très, très pointilleux là-dessus. Que je dis qu'il est l'auteur quand même. Ouais. Mais je vais dire un truc, les textes là. Moi au début, tu sais que mon éditeur, je t'ai peut-être raconté ça, non, parce qu'on ne s'est pas vu depuis que j'ai sorti le bouquin, je crois. C'était il y a déjà 3-4 ans. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en février, et je suis allé te voir en spectacle. Avec les deux filles. Avec mais l'année dernière, il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, avec Dorothée et Je me souviens à la maison que tu étais venu. Oui, et le vin était excellent. Ah oui, Ça coulait à flot, c'était bien. Et Jules Bourdeau, il est très drôle, mais il n'a pas fait de disques. Oui, c'est ça, j'avais demandé des disques. Il avait ben c'est un mec, il travaille depuis très longtemps. Il est un peu plus jeune que moi, ben il a 75 ans. Je veux dire, il a fait du théâtre, il a fait du comique. Et ça se voit, hein, dans... Mais oui, mais le problème, c'est qu'il n'a jamais enregistré. Il y a quelques vidéos sur, qui sont pas mal. Mais c'est le son, ça. C'est pas le son. Le son est pas bon. Non, c'est pas radiophonique. Et puis toi, qu'est-ce qui se passe avec, avec toi, avec... Ça fait depuis 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu as regardé les dernières vidéos? Non. Non, ça, faut que tu regardes. Oui. Non, les vidéos avec mon fils au piano. Ah, ouais. Non, mais on m'en a parlé. Faut que tu regardes ça. Il y a 15 chansons, là. Ouais, mais tu regardes, c'est sur mon... Moi, j'ai plus de site. J'ai le truc, tu tapes Marc Avet. Okay. Il y a marqué Marc Avet, Antoine Infosson. Il y a au moins 70 vidéos, là, toutes mes vidéos. Ah oui. Est-ce que c'est lui qui s'en occupe? Antoine Infosson, c'est son nom. Okay. Le nom lui, de mon webmaster, quoi. Hein? Il s'appelle pas Infosson, c'est... Non. Il s'appelle Antoine Metzger, mais Metzger, c'est pas... Antoine Infosson, c'est marrant. Faut pas prendre les messies pour des lanternes. Faut pas prendre les sauveurs pour des lampions. Faut pas prendre les messies pour des lanternes. Faut pas prendre les sauveurs pour des lampions. Ni pour des quinquets de taverne. Ni même pour un lumignon. À trop prendre les messies pour des lanternes. Éblouit tous les suiveurs en procession. Répète en cœur et se prosterne. En chantant sur l'air des lampions, Dieu le veut, Dieu le veut, Dieu le veut. L'air, le vent, Dieu le veut. L'ouragan, Dieu le veut. Les oiseaux, Dieu le veut. Le charbon, Dieu le veut. L'être humain, Dieu le veut. Mongolien, Dieu le veut. L'humérus, Dieu le veut. Le virus, Dieu le veut. Je ne mange plus que le caviar à la cantine, Dieu le veut. Je ne mange plus sur mon chapeau, Dieu le veut, Dieu le veut. Je ne mange plus, Dieu le veut, Dieu le veut, Dieu le veut. Faut pas pendre les messies pour des lanternes. Faut pas prendre les sauveurs pour des lampions. Sur la terre quand le soleil est en berne, ils promettent la lune en consolation. À trop prendre ces messies pour des lanternes, éblouit tous les suiveurs en pamoison. Font chorus quand le sauveur qui les gouverne toujours ponctue ses injonctions de je le veux, sauvant la civilisation. Je le veux, stoppant la pipe et la boisson. Je le veux, aimant nos banquiers, nos patrons. Je le veux, le salut est à ce prix, ami. Une, deux, je le veux. Faut pas prendre les messies pour des lanternes. Faut pas prendre les sauveurs pour des lampions. C'est le cri que l'on entend dans les tavernes. Sauvons-nous de nos sauveurs. Mais attention, faut pas pendre les messies à la lanterne. Ces martyrs feraient des petits par contagion. Qu'ils se sauvent ailleurs et sauvons-nous nous-mêmes. Que triomphent les lumières et la raison. Alors, Antoine Infosson, tu regardes, il y a plein de chansons. Il y a moi essentiellement. Il y a une quinzaine de vidéos avec piano, basse, batterie. On m'a dit c'était excellent. Ah bah c'est, ça swing, c'est pas pareil que tout seul. Toi, ben non, c'est... Ben non. Faut que tu les écoutes. Oui. Est-ce que le son est diffusable? Oui. Okay. Parce que je vais dire un truc, j'ai payé un mec justement, un copain, j'ai payé un mec pour prendre le son sur la console. Okay, ah bah tu peux en écouter un seul, je veux dire, là tu écoutes tout de suite, tu vas voir. En revenant dans ma chambre, Oui. C'est parce que souvent ce qu'on prend, c'est le son sur la caméra. Oui. Et évidemment, il n'est pas... Merde. Ah oui, ouais. Non mais quand on regarde la vidéo, ça va. Parce que tu entends les gens, c'est ça le problème. Oui, mais c'est sympa des fois. Mais quand tu regardes la vidéo, ça va. C'est, en vidéo, c'est bon. Mais en diffusion radio, mais c'est... Mais ça va pas du tout. Bah oui, bah, c'est pas fait pour ça. Non. Et moi, ça fait des années que j'ai beaucoup de vidéos et que je fais plus de disques. J'en ai fait, et là, le dernier, j'ai dû te le donner. Oui, ça fait deux... En février, je l'ai eu il y a 2 ans. Tais-toi et chante. C'est ça, exactement. Depuis, j'en ai parfait. C'est un tort, mais enfin là, il y a eu le Covid, il y a eu Martine. Ça m'a quand même fait un coup. Hein. J'ai ma fille qui est à Paris. Mon fils, il est à Londres en ce moment. Ben, mon fils, qui m'accompagne, il est à Londres en ce moment. Rock avait... Voilà, c'est réputé, hein. Il a accompagné Anne Sylvestre, il a accompagné des tas de gens. Mais... C'est toi qui as donné le feu sacré à tes enfants? Ouais. Ben, elle ne fait pas vraiment de musique. Ma fille, elle est ingénieure, télécom et tout. Mais elle chante dans une chorale. Elle a pris la sécurité. Oui, elle chante dans une chorale. Ben, comme moi, quand j'ai fait architecture. Hein. Mais j'en regrette pas. Ben, d'abord, j'adore ça. Elle a fait comme Sarclos. Sarclos aussi, c'est un architecte. Ben, oui, je sais bien. Ben, on a parlé. Mais c'est une tête de l'art. On a parlé souvent. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, ça dépend des jours. Mais des fois, avec moi, pas. Il n'ose pas trop avec moi. On se regarde en chien de faïence comme ça se voit. Mais alors, des fois, elle est là. Puis machin, c'est une sous-merde. Oui, c'est ça. Il crache beaucoup, ça. J'aime pas trop dire, toi, cette fille-là. Il parlait d'une fille, c'est une merde sur pattes et tout ça. c'est pas mon humour, ça. Je suis pas chochotte, hein. Mais pas ça. Quoi, des fois, c'est un peu trop. Plomb. Alors, Cabrel, il chante Dylan comme un con, c'est de la merde. J'avais souligné à Saclot que Hugo Frey avait rendu hommage. Ah, il a dit, ouais, c'est pas terrible. Ouais, c'est de la merde. Ouais, mais c'est toujours de la merde. Non, mais c'est excellent, Hugo Frey. Mais c'est bien. Moi, j'ai toujours dit une chose. C'est que s'il n'y avait pas Hugo Frey, j'aurais jamais connu Bob Dylan. Parce que à cette époque-là, on n'écoutait pas les trucs en américain. C'est ça. En plus, moi, je te dis quand même que ma fille, elle a travaillé 2 ans à Washington après avoir été ingénieure télécom. Elle était stagiaire 2 ans à Washington. Et elle me dit, elle est parfaitement bilingue, tu vois. Et elle me disait, ben, quand j'écoute Bob Dylan, il y a des fois des mots que je comprends pas. Faut pas déconner. Alors, avec Hugo Frey, elle comprend les paroles. Ben oui, comprenez. Ouais. Alors, je veux dire, moi, en tout cas, qui suis pas bilingue, moi, quand j'ai découvert, pareil, il y a 12 ans, 13 ans, ça, ils chantaient ça à la même époque, dans les années 50, j'ai découvert Bob Dylan grâce à Hugo Frey. Oui, c'est excellent. Et puis, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Le cauchemar psychédélique. Ouais. Merde, n'y pense plus, tout est bien, tout ça. Mais je suis disais, mais le cauchemar cinélélique, moi j'ai découvert cette chanson par lui. Et de toute façon, par Hugo. Je suis pas assez anglophone pour comprendre Bob Dylan quand il chante ça. Forcément, il me faut de la traduction. Il y a un mot sur trois que je dis, qu'est-ce qu'il dit ? Et je te dis. C'est vraiment un passeur. Ben oui, bien sûr. Et les gens, c'est comme le Québécois, tout le monde dit toujours, oh, on comprend, mais maintenant, t'as vu ? T'as vu maintenant, ils mettent les sous-titres ouais, sur Arte, c'est un peu con. Ouais, pour un film, tu veux... Oui, c'est un peu con. Ça, c'est non, c'est con, mais. Oui, mais tu sais que les mecs donnaient. C'est côté français. Oui, mais tu sais que le premier qui a fait ça, c'était Truffaut, Godard, mais des films français. Non, ils disaient ça, c'était des provocateurs, ouais, tu ouais, sais ouais, bien. Ouais, ouais. Depuis midi, le soir, assis au bar dans le champagne, étouffant son cafard, il vit soudain, après la 100e coupe. Un petit homme sortir d'une soucoupe. Il n'était pas vraiment très différent de vous et moi et de bien d'autres gens. Mais ce qui lui donnait un air bizarre, c'est qu'il était couleur vérépinard. Vérépinard, un gros cigare vissé au coin de son bec de canard. Que le cheval des pattes d'éléphant, le regard fixe et l'œil un peu absent. Il n'était pas vraiment très différent de vous et moi et de bien d'autres gens. Mais ce qui lui donnait un air bizarre, c'est qu'il était couleur vérépinard. Debout sur la cajou brillant que le champagne avait rendu glissant. Entre les tasses, les coupes, les verres à pied sur le comptoir, il s'est mis à danser. En agitant les bras pour s'envoler de table en table, encore il a valsé sur les épaules et les têtes des clients, buvant dans leur verre et les embrassant. Il n'était pas vraiment très différent de vous et moi et de bien d'autres gens. Mais ce qui lui donnait un air bizarre, c'est qu'il était couleur vérépinard. Tout irréel dans un brouillard fait de fumée, d'alcool et de cigares. Vérépinard dans le petit matin est reparti vers un monde incertain. Et c'est pour ça que depuis, assis au bar, un homme boit dans l'espoir de revoir ce petit homme ami d'un soir au teint couleur vérépinard. Par exemple, t'as un film de Godard. Alors Godard, c'est Alphaville. Ah oui. Alors ils sont dans une chambre, Anna Karina avec comment il s'appelle, non, avec avec Lemmy Cochon, merde. Merde, comment il s'appelle, c'est le nom de l'acteur. Non, peu importe. Oui, mais tu sais qui c'est qui joue. Oui, je sais qui c'est, ouais, avec le chapeau. Oui, ouais. Il s'appelle, enfin un nom. Constantin. Eddie Constantin. Alors c'est français. Alors à un moment, elle lui dit, ils sont à Orly dans une chambre, et puis elle lui dit. Ouais, il dit Paris. Hein. Alors elle prépare son bain. Alors elle fait couler l'eau. Elle dit, je déteste Paris. Les villes que je préfère, c'est tch. Ah ouais, et on n'entend pas le nom. Ça, c'est Godard. Non, c'est merveilleux. Moi, c'est drôle. Ouais, ouais. Mais alors, après, Truffaut, il s'amusait à faire ça. Tu vois, par exemple, dans Jules et Jim, pourquoi à un moment, il dit, je t'aime. Si on allait. On entend très bien à la nuit. Mais c'est rigolo de souligner par un sous-titre, je t'aime. Tu l'entends, mais lui, ce qui. Alors, je me dis, quand j'en ai regardé dernièrement des films québécois comme ça, sous-titrés, je trouve ça con, mais toi, évidemment, tu ça. C'est abject. Oui, mais c'est con. Oui, c'est parce con. Que, en fait, pour répondre à ça, on devrait sous-titrer les films en français. Ben, oui, ouais, ouais, ouais, mais je les enlève, remarque, je les enlève. J'ai un peu enlevé le. Non, non, regarde, chez nous, là, flingue, là, on l'utilise jamais. C'est un fusil, un gun, mais pas un flingue. Puis c'est Renaud qui nous a inculqué aussi les le côté verlan de la langue. Oui, oui, oui. Bon, Non, mais enfin, je suis d'accord avec toi. Ça devient... qu'on fasse ça pour rigoler, une phrase, c'est de l'art à ce moment-là. Ce que faisait Godard ou Truffaut, c'est de la provocation, c'est de la nouvelle vague, vraiment. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, t'as la fille qui parle aux mecs, ils sont en train de murmurer, elle dit, je t'aime, c'est sous-titré parce qu'on n'entend pas bien. Oui, en même temps, c'est un clin d'œil. C'est une, une provocation, oui, évidemment. Oui, mais toi, t'as beaucoup de chansons là, depuis ton dernier disque en valise, dans un... Oui, oui. Est-ce que tu les pratiques ou... Ouais. Est-ce que tu les pratiques? Est-ce que tu te les mets en bouche? Ah oui, mais moi je chante toutes mes chansons. Alors des fois, il y en a que j'ai oublié parce que faut que je révise. Hein. Des fois, quand je sais que je vais chanter mal quelque part, je me dis, celle-là, je révise un peu chez moi. Je révise. Mais je les connais. Hein. Les 200, là, il y en a bien plus de la moitié que je pourrais chanter comme ça. Hein. Mais... les yeux de sa mère et le nombril de sa sœur, c'est certain. Et les pieds de sa grand-mère, il est né depuis 2 heures ce matin. Il a comme sa tante Suzanne tous les traits de son grand-père, en moins vieux. Il aura le fond d'Einstein, pas trop celui d'Hitler. Ça vaut mieux. Sûrement les bêtes, les couchers, soleil, l'aube et la pluie. Il aimera les andouillettes, il aimera le bœuf en daube, pas trop cuit. Et quand on viendra lui dire plus tard qu'est-ce que tu veux faire comme métier, avant même de savoir lire, il répondra moi veux faire PDG. Il sera chef, gardien chef ou chef de gare, bon à tout. Ou bien comme le clos Joseph, roi de la cloche et vieux fêtard, toujours sous. Qu'il soit sage, qu'il soit fou, il rira et pleurera, comme chacun. Pourvu qu'il vive après tout, il fera ce qu'il pourra, et c'est bien. Les yeux de sa mère, quelle aubaine il a de pieds et de bras. Et parmi nous sur la terre, regardez, buvez, trinquez, il est là. Est-ce qu'il y a des chansons que tu as enlevées de ton répertoire? Non, je suis pas comme ça. Bah, je les chante pas, des fois ça arrive, je les chante jamais quoi. Puis il y a des chansons quand même que j'ai fait, certaines j'avais fait pas pour moi, pour un copain. Chanson, un mec qui s'appelle Jean-Michel Grandjean. Oui. Il habite dans le Morvan maintenant. Et il m'avait demandé de lui faire des paroles. Souvent, il faisait les musiques parce qu'il n'arrivait pas à chanter mes mélodies. Mais je n'en veux pas. Hein. Alors, il me disait, est-ce que tu peux, toi qui es très doué, est-ce que tu peux m'écrire des paroles? Alors, j'ai écrit des paroles de chansons. Et ça, j'en ai certaines que j'ai chantées, mais il y en a que j'ai jamais chantées. Parce que je ne m'incarne pas dans la chanson. C'est une chanson de lui parmi une chanson qu'il y chante. Il m'avait dit, tu vas me faire une chanson, tu vas me raconter que j'arrive dans le Morvan. J'arrive. Alors lui, il pensait, j'arrive. Bon, j'ai mis ça, je viens, j'arrive, j'ai fait tout un texte. J'arrive, pour planter des arbres, j'arrive, tout ça. Et puis, la fin de la chanson, c'est, vous allez voir ce que vous allez voir. À nous deux, Morvan. Et ça, c'est drôle, c'est la fameuse chanson Rastignac. À nous deux, Paris. À nous deux, Morvan. Et je n'ai jamais chanté. Parce que c'est pas mon truc. Et puis lui? Ah, si, il la chante souvent, tu vois. Non, mais plusieurs aussi écrivent pour d'autres, mais ils reprennent jamais les chansons qu'ils offrent à... Oui, voilà. Moi. Oh, bah c'est arrivé quand même que les mecs, ils chantent, regarde. La chanson de Christophe, il a chanté tout le temps. Je lui dirai les mots bleus, puis Bachoum l'a chanté, puis peut-être quelqu'un d'autre encore. D'ailleurs, les chansons, elles sont à tout le monde. Hein. Moi, il y a souvent des gens qui me disent « Est-ce que ça t'ennuie que je chante telle chanson de toi ?» Je lui dis « Mais pas du tout, vas-y. » Bon, si la massacre, c'est un peu emmerdant, mais enfin, après tout, Dieu reconnaîtra les siens. Enfin, le Dieu de la chanson, t'as compris ce que je... C'est que, merde, j'ai entendu des fois des gens chanter une chanson de moi, je trouve pas ça terrible, mais bon, au moins, est-ce qu'ils font un peu comme, Juliette Gréco? Juliette Gréco, avant une chanson, nommait l'auteur-compositeur. Oui, mais ça se fait pas beaucoup maintenant. Ça, alors, c'est à l'ancienne. Oui, les mecs mettent un papier. Parce que moi, je trouve, moi, par exemple, si j'ai quelqu'un qui a fait une chanson avec moi, je ne nomme pas entre les chansons. Parce que je faisais les concerts, tu vois, je l'avais fait au forum et tout ça. Je fais le concert, ça dure une heure et demie. À la fin, remerciement, je dis je remercie machin, ma mère, sans qui je ne serais rien. Effectivement, c'est l'essentiel. Une connerie, je dis comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Et je remercie mes co-auteurs, mais souvent je fais une plaisanterie, je remercie mes collaborateurs. Non! On ne dit jamais collaborateur. C'est nous, on a des tabous. Oui, oui, oui. Alors, mais je le dis quand même, puis je dis non, mes complices. Et alors, non, mais ça, c'est le gag aussi pour raconter. Voilà, justement, c'est amusant. Je remercie mes complices, notamment machin et machin. Tu vois, un mec qui m'a fait, avec qui j'ai fait la musique, un autre avec qui j'ai fait les paroles. Mais je le dis à la fin. Et puis, il ne faut pas déconner. Sur, si je chante 30 chansons, il y en a 4 ou 5 comme ça. Alors, c'est parce que ça casse, tu vois, moi. Surtout que moi, en général, j'enchaîne les chansons, tu sais, c'est marrant. Et toi, tes chansons sont courtes. Oui. Alors, je ne vais pas dire à chaque fin de chaque chanson. Alors, cette fois-ci, c'est pas moi tout seul. C'est... Non, mais des fois, c'est plus long de dire tout ça que de faire la chanson. La chanson est des fois plus courte, puis le prélude est... Moi, je dis rien entre les chansons. Ou une blague, comme ça. Alors, c'est... Ah ben, c'est pour ça que j'avais fait Tais-toi et chante. Les mecs qui te racontent ma vie. Alors, je vais vous parler. Cette chanson, je l'ai. À la Villée, c'était comme ça. Il s'est calmé maintenant. Il s'est bonifié. Et moi, je me souviens à ses débuts, enfin, quand il avait été en Amérique du Sud, tu sais, il y a. Ça... Ah, le Brésil, puis tu sais qu'il parlait du Brésil. Puis oui, tout ça, attends. Il chantait ta chanson parce que. Mais oui, chantais-toi, il chante. Il va en parler. Il disait, j'ai rencontré Ortega. Alors. Mais il faut dire aussi qu'il s'est. Qu'il amplifiait le truc. Il en mettait un peu. Il en rajoutait. Je suis allé au Brésil pour se vanter un peu. Il n'y a pas que lui qui a tout. Oui, c'est ça, exactement. Moi, ça me faisait chier. C'est comme ça que j'ai pensé à cette chanson. Notamment pour lui, il n'y a pas que lui. Mais alors, il y a d'autres mecs. Alors, j'ai écrit cette chanson en telle année. Alors, c'était avec un tel, avec Claude Lemel, avec machin. Alors, j'avais été sur la Côte d'Azur. Et alors, putain, t'es là. Tu sais, en plus, c'est et sans humour, en plus. Toi, tu racontes ça, tu t'en fous, hein? Ou l'autre, tu vois, je fais cette chanson quand j'ai perdu ma petite amie qui a fait une overdose. Oui, c'est passionnant, mais enfin. Et puis, ben oui, c'est triste. Alors au début, tu te dis, puis elle avait été inquiétée, même elle avait dû faire un peu de prison parce qu'elle avait fait une overdose. Mais c'est vrai l'histoire que j'ai entendue, alors qui est morte d'une overdose. La larme à l'œil, le mec, il commence à chanter. Bon. La chanson, c'est « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ouais, c'est à peu près de ça. Ça parle ni de l'overdose, ni de l'overdose. Il n'avait pas besoin de nous présenter ça. Mais lui, ça... Mais il voulait mettre dans le contexte. Voilà, il voulait mettre. Mais c'est très bizarre. Moi, je ne mets jamais dans le contexte. Ouais. Et justement, dernièrement, depuis la mort de Martine, là, j'ai rechanté pendant un mois, j'ai du mal, un mois ou deux, les deux premiers mois. Là. Et là, on a recommencé. Notamment, j'ai fait une joute avec Michel Buller. Ouais, j'ai vu. Ouais, ouais. Mais les enregistrements sont bons. Si je t'enverrai quelque chose. Okay. Non, les enregistrements ne sont pas bons. C'est toujours pareil. C'est des vidéos. Mais. Eh bien, là, j'ai jamais dit. C'est un ancien professeur. Comment ? C'est un ancien professeur. Il a été instituteur dans une école primaire en Suisse. Et. Eh bien. Et c'était vraiment très plaisant. Lui, il habitait juste à côté de chez moi. Là, alors je viens en pantoufles. C'est bon. Et alors, j'ai juste dit un mot quand même. J'ai dit au début du spectacle, j'ai dit bon, bah, c'est la première fois qu'on refait un truc à la maison sans Martine. Toi, j'ai pas dit depuis qu'elle est morte. J'ai dit sans Martine. Non, mais tout le monde le sait. Mais oui, non, mais j'ai dit sans Martine. Sans Martine. Et j'ai dit, je me suis tiré par l'humour, d'ailleurs, j'ai dit, sans Martine. Enfin, j'ai dit, elle n'est pas là en présentiel. Parce que vous savez, ils nous font chier en ce moment, tous les mecs. On va faire un truc en présentiel. Mais c'est quoi oui. Aujourd'hui, mais c'est un nouveau mot. Hein. Mais c'est, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire en présentiel? On est là ensemble, on est présent. Ah, oui. Mais non, en présentiel. En événementiel. Parce que là, on n'est plus virtuel, on est présent. Oui, on est présentiel. Mais ça, c'est un clin d'œil à virtuel, présentiel. Mmh. Et encore là, présentiel. On va faire un événementiel avant, disons, un événement. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Tout en ciel. Tu enregistres là? Oui, j'enregistre, depuis le début. Bon. Ça me gêne pas. Non, je m'en doutais, mais c'est... Ok, non, moi, j'ai aucun scrupule. Oh, ben moi, j'ai aucun scrupule, puis moi non plus. Puis moi, je dis tout ce que je pense, puis après, oui. Tu t'en fais ce que t'en veux. C'est diffusé comme notre entente. Oui, comme j'ai entendu. Ben, en tout cas, donc, voilà, moi, je trouve que c'est bien comme ça. Hein. On mélange un peu tout. J'ai fini sur Fréhel, où je disais que c'était quand même étonnant d'avoir vu cette femme, peu de temps avant sa mort. Mais quand même, des artistes qui ont été connus à peu près comme elle, là, je t'ai cité Yvan Dautin, des mecs quand même à un moment qui étaient très à la mode, et ils continuent d'ailleurs souvent, ils chantent, mais dans des petites salles de province, devant 100 personnes ou 200 personnes, ils chantent. Mais ils n'en disent plus. Mais ils passent plus, ils font plus de disques, ils chantent plus à la radio, ils chantent plus à la télé. C'est... Ben, écoute, Anne Sylvestre, qui maintenant est la star à la mode, depuis ouais, qu'elle est, mort, encore plus depuis qu'elle est morte. Ouais, c'est fou. Ouais, on est là. Oh, si. Moi qui l'ai connue, c'est pareil, qui l'ai connue très jeune. Elle chantait à la contre-escarpe. Elle ne chantait pas très bien d'ailleurs au début. Elle a fait beaucoup de progrès, tu vois. Elle avait les cheveux raides, elle faisait une sale gueule, elle était comme ça. Hein, tu vois, c'était pas tellement plaisant. Vache, des trucs vaches, mais ça, c'est bien les trucs d'humour vache. Mais après, elle s'est quand même arrondie. Elle s'était mise en rouquine. Et puis elle venait d'ailleurs dans les spectacles, elle est venue m'écouter une fois au fort. Elle venait voir des jeunes chanteurs, des chanteurs. Elle était devenue sympa. Sa petite fille chante, hein? Elle s'appelle Mèche. Oui. Son père était un grand collaborateur, justement, à Lyon. Elle n'en a jamais voulu en parler, alors que sa sœur est née à écrire un bouquin où elle en parle. Mais elle n'a jamais voulu en parler. Ben, c'est un choix. Et quand les gens lui en parlaient, ils disaient. Ouais. Elle disait. Et pourtant, elle allait le voir à la prison, parce qu'elle était gamine. Il a été en prison pas mal d'années à Lyon, et elle allait le voir à la prison. Bah oui, parce qu'elle est maintenant, elle avait 86 ans il y a 2 ans, 80, et donc elle devait avoir. Elle avait dû naître en. Ah merde, elle avait 4 ans de plus que moi, elle avait dû naître en 36 ou en 35. Elle est née en 35 et 36. Eh ben. Donc en 45, elle avait 10 ans. En 44, quand il a été en prison, elle allait le voir à la prison, avec sa maman, bien sûr, mais... Mais elle n'a pas envie d'en parler, non, c'est tout. C'est un choix. Bah, oui. Il faut respecter le choix. Ouais, bah, elle a raison, d'ailleurs. Il ne faut pas mêler carrière... Elle n'a jamais écrit une chanson là-dessus. Elle n'a jamais voulu en parler, ça. Je pense que c'est une blessure. Alors justement, sa sœur, qui était plus vieille qu'elle, qui devait avoir plus âgée, tu vois, 15 ans, qui avait 4-5 ans de plus qu'elle, elle a écrit un bouquin là-dessus, d'ailleurs, sur... Ben, sur son père. Aussi qu'elle est, en étant plus vieille, elle a connu plus de choses. Oui, elle était consciente de ça. Je cours, comme ça depuis toujours, sur les routes dans ma chambre. J'ai chaud même en plein décembre. Il n'y a plus de carburant sur mon compte courant. Et les ajouts qui courent, tout ça, moi, ça me court. Je cours, je cours, je nargue les vautours. Ils peuvent courir, j'ai des ailes. Je vais me refaire un ciel. Dieu court après moi, mais je ne marche pas. Toujours les mêmes discours, il y en a marre au secours. Oui, je cours, vers de plus belles amours. Le cœur toujours en alerte, même si je cours à ma perte. Je cours retrouver tous ces enragés. Et quand les flics accourent pour la chasse à court, je cours dans les rues, les carrefours. Je cours plus vite que mon ombre. Je cours vers un nouveau monde. Je cours. Je cours comme un fou. Tant pis si du coup. Demain sur le parcours, je suis pris de court. Je cours, jusqu'à la fin des jours. Je cours, je cours. C'est vrai aussi ce que tu dis. Moi, il y a des choses que j'oserais pas écrire dessus. Parce que moi, j'avais quand même 4 ans et demi à la Libération de Paris. Mais enfin, dire que je m'en souviens, si. 4 ans et demi, t'as du souvenir. Des brides. Oui, mais je comprenais pas bien ce qui se passait. C'est normal. Si, je comprends quand même que j'avais l'habitude. Le seul souvenir que j'ai, ça c'est vrai, je ne l'ai pas inventé. Quelques jours avant la Libération de Paris, t'avais les boches qui passaient dans les rues, pas les SS, hein, des soldats. Des soldats qui passaient, les gens se tenaient à carreau. Même moi, gamin, je baissais la tête ou je ne regardais pas dans les yeux en me disant « On ne sait jamais, il va me dire Artung, qu'est-ce que, je l'insulte ?» Oui, alors donc, tout le monde était comme ça, mais les adultes, tout le monde était comme ça. Et puis le matin de la libération, parce que je me souviens, on couchait dans le couloir parce qu'on avait peur qu'il y ait des balles qui passent dans la pièce. Avec, surtout les maquisards, tu sais, les mecs, les collabos, justement, qui continuaient à tirer jusqu'au fond. Alors, bref, je me souviens, je couchais dans le couloir et le matin, mon père m'a emmené au bureau de tabac ou au bistrot. Donc, et il y avait un arbre qui était allongé. Et bien là, il y a eu des cars qui sont débarqués sur la place de la Nation avec des soldats allemands prisonniers. Et les mecs, ils gueulaient « Ah, mort !» leur lançaient des trucs. Tu vois, c'est les mêmes qui... Ils les montraient comme si c'était des... Oui, des singes, des mèches, des pires. Et la veille, ils filaient tout doux. Ça, c'est moche. On n'est pas obligé d'être comme ça. Moi, ça me choquait d'ailleurs. Mon père, il gueulait pas. Mes parents, ils ne gueulaient pas. Mon père, il me tenait sur ses épaules. Ah, il gueulait pas à mort. Il ne disait rien. Il était atterré, c'est tout. Mais ça, c'est la bêtise humaine. Hein. Ben oui, et pourtant, il n'avait pas été ni collabo ni rien. Et ben, il disait ouais, ben, oui, c'est la bêtise humaine. As-tu connu Guy Béat? Je ne connais pas bien, mais je l'ai rencontré et je l'ai même accompagné sur une chanson. D'accord. C'est ça. Signé Pierrot. Da, da, da, da, à quelle année? Signé Pierrot. Ben, cette tâche, je peux te le dire, c'était à Royan. Je connais Royan, à côté de Bordeaux, Royan. Il y avait une boîte où on jouait, une boîte de jazz, je jouais du jazz. Je devais avoir 19-20 ans, je ne chantais pas beaucoup. Je chantais juste une chanson de traînée ou quoi, mais je n'avais pas écrit de chanson. Et donc, lui, il passait au casino de Royan. Et après le casino, tous les mecs venaient là. Une fois, j'ai vu tous les mecs, même Brigitte Bardot, je crois, une fois, j'ai vu comment... Le mec, il faisait une chanson pour Brigitte Bardot, il était venu avec elle, je connais lui, mais tu le connais. Ah, oh, mais non, Jean-Marc, pas Jean-Marc. Mais si, qui a écrit La Maldrague et tout ça. Hein. Il chantait aussi un peu. Hein. Guitariste, il chantait un peu. Et ben, oui, c'est un nom pourtant facile à souvenir, mais et ben, ce mec-là, toi, il venait, il y avait des mecs, une fois Fernand Reynaud, il venait boire un coup. Enfin, alors évidemment, moi je leur adressais pas forcément la parole. Et puis le chef d'orchestre de l'orchestre, où j'étais, le tromboniste, tout ça, il dit, ben, je crois que Guy Béat va nous chanter une petite chanson. Alors c'est pas trop compliqué, il signe Pierrot, il y a deux accords, toi. Signé Pierrot. Bon, il y avait le bassiste, et puis moi au piano, et ben on l'a accompagné, tu vois. Sourire, mais je ne vais pas parler personnellement. Mais tu sais, quand tu as un certain âge comme ça, puis à cette époque-là, je pense que c'est toujours encore le cas. Mais c'est pire maintenant, parce que je pense qu'il y avait une grande fraternité. Tu vois ce que je veux dire, là. Ouais. On pouvait se parler. Moi, j'ai rencontré quand même des musiciens de jazz. Kenny Clarke, il est venu faire le bof avec nous à la batterie. Il disait pas, maintenant, toi, le mec, il a son agent qui va dire, monsieur, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé avec Juliette Gréco. Une chanson que j'ai faite, j'ai eu tort, j'aurais dû essayer de la contacter directos, mais ouais. C'était pas toujours facile. Il faut pas passer par... Voilà, et dans les années, soit... J'ai fait cette chanson donc en 80, 80 et quelques. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour. C'est la phrase de Prévert, les enfants du paradis. J'avais fait cette chanson au lieu d'essayer de magouiller et d'arriver à rencontrer Gilles Gréco. Je l'ai envoyé à son agent. Son agent, son producteur, était un sacré con qui est connu pour Gérard Metz. C'était le producteur de Jean Ferrat. Et d'ailleurs, il disait toujours, j'ai fait Jean Ferrat. Mais c'est pas vrai parce qu'il a été au lycée avec Jean Ferrat. Jean Ferrat qui a fait. Genre. C'est l'inverse. Oui, oui. On oublie rapidement. Hein. Oui, c'est ça. Alors après, il a essayé de produire justement De Broncard, que des mecs bien. Le Prest. Francis. Tu connais Le Prest? Oui, bien sûr, on s'est connu. Il était toujours un peu bourré. Hein. Ouais. J'ai connu, oui. Ben, on a chanté ensemble dans des festivals, dans des trucs. Il était plutôt sympa. Mais le problème, c'est que souvent, il maîtrisait pas toujours hein, dans les soirées. Une soirée, t'es bourré, quoi. Elle m'a dit, ah ben il était bourré ce soir-là, c'est pas bon. J'ai dit, oui, mais il est toujours bourré. Non, mais j'exagère pas, c'est vrai. Alors souvent, il y a des gens qui disent qu'on a, c'est en studio, c'est mieux, c'est rectifié. Mais il était quand même souvent un peu à côté de la plaque. Hein. Et c'était très simple, parce que lui, il passait tout le temps au Forum Léo Ferré, où je passe. Donc on était, tu sais, les artistes du Forum, on se côtoie, t'avais Bernard Joyet, Alain Leprest, Gilbert Lafaille, Francesca Soléville, Marc Chavet, pourquoi pas, quelques autres comme ça. On se côtoie, on est plus ou moins Oui, c'est marrant, et sans prétention, bah, Anne Sylvestre qui venait de temps en temps, ça, il y a toujours une fraternité, tu vois. Mais c'est pas le cas ailleurs. Hein. Moi, tu vois, quand j'ai eu la connerie de Gérard Metz, producteur, il produisait le dernier truc de Gréco avec... qui avait fait des paroles, comment il s'appelle, le scénariste, il est mort il n'y a pas longtemps. Là. Alain Carrière. Ah, Jacques, non, c'est pas Alain Carrière. Jacques, je ne sais pas qui, mais Carrière. Claude Carrière. Entre République et Palais Royal, République à ma préférence. J'aime l'école pour tous les enfants, le cancre et le prix d'excellence. Maîtresse au sourire bienveillant, la Marianne qui protège. J'aime le chant des partisans, l'abolition des privilèges. Oui, pourtant, entre République et Palais Royal, le Royal a plus d'élégance. Avec ses châteaux sans pareil, ses trésors aux jardins immenses, tous ces tableaux qui m'émerveillent, le roi qui marque la cadence. J'aime les belles dames d'antan et le panache du verre galant. Entre République et Palais Royal, sur le cahier des doléances, République aujourd'hui vaut bien Palais Royal pour ses dépenses. S'il a ses princesses à scandale et ses demeures phénoménales, la République a ses putains et ses palais républicains. Entre République et Palais Royal, entre les deux dans la balance, redoutable prince de sang ou grand seigneur de la finance, reine ou monarque, président, qu'importe les gouvernements, faudrait refaire tout l'édifice pour qu'enfin règne la justice. Vous qui la mitraillez plus qu'en photo quand vous visitez ces châteaux, horrifiés qu'ils furent saccagés par quelques foules enragées, n'oubliez pas que sans ces gueux, vous en seriez toujours comme eux, à y récurer les latrines pour survivre entre deux famines. Entre République et Palais Royal, entre République et Palais Royal, entre République et Palais Royal. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.